Jusqu'au 21 avril 2024, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Le souffle de l'architecte, une exposition inédite de Bijoy Jain, fondateur du studio Mumbai et figure incontournable de la scène architecturale indienne. Dans cette création totale explorant les liens entre l'art, l'architecture et la matière, il déploie, en dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel, un espace de rêverie et de contemplation. Une expérience physique et émotionnelle à vivre à la Fondation Cartier. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Angleterre, Irlande, une histoire végétale avec d'un côté la rose, symbole de l'Angleterre, et des Tudors, une rose qui se réveille soudain quand elle se souvient qu'il existe une grande île à l'ouest d'Irlande où le trèfle rappelle la christianisation de l'île par Saint Patrick, le trèfle avec trois feuilles pour la Trinité. Dans cette histoire, nous pourrions ajouter le chardon pour l'Écosse et le poireau pour le Pays de Galles. C'est beau, c'est varié, c'est sauvage ou domestique, c'est doux ou ça pique. Quand les Anglais colonisent l'Irlande, la rose contre le trèfle. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Donc j'ai invité une délégation française à rendre visite à la cour de votre majesté afin de... Bon travail. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Henri VIII poursuit son chemin. Excellent. Et ensuite, avec tous les cousins et cousines, il a pris une tasse de thé et une tranche de gâteau. Et où en sont vos réunions secrètes? Vous savez aussi bien que moi qu'en ce moment même, les insurgés écossais envahissent l'Angleterre et aucun Anglais n'a tiré l'épée pour combattre ces rebelles. Jean-François Duniac, bonjour. Bonjour. Évocation de cette histoire de l'Irlande avec cette première question. À partir de quel moment les Anglais se disent « Bon, on va peut-être pouvoir s'installer sur cette grande île qui est juste à côté de chez nous ?» Ah, alors, en réalité, ça commence relativement tôt, ça commence avec les Normands. Dès les Normands. Ouais. Dès le XIIe siècle, en réalité, à partir de 1169, il y a un premier débarquement de Normands. C'est une querelle entre rois irlandais. L'un d'entre eux, le roi du Leinster, a été chassé. Il va trouver main forte auprès d'Henri Plantagenet. Et chemin faisant, revenant, j'allais dire, vers l'Irlande, il embarque avec lui, enfin en tout cas embarque pour lui, beaucoup notamment de seigneurs normands gallois, qu'on va appeler cambro-irlandais, qui vont, à partir de 1169, commencer en réalité une conquête. Ce sont un peu les loups normands dans la bergerie irlandaise qui entrent à partir de 1169 et qui vont entamer un début de colonisation méthodique, j'allais dire, de l'Irlande. Mais ça va mal se finir, se dérouler en réalité. Les Normands arrivent et installent un peu le package normand, c'est-à-dire des modes castrales, des forteresses. Ils sont là aussi, j'allais dire, militairement mieux armés, en tout cas pendant un temps, que les Irlandais. Ils vont installer un parlement, comme ils l'ont fait d'ailleurs à la fin du XIe siècle en Angleterre. Donc c'est le parlement qui siégera à Dublin, fondation viking du milieu du IXe siècle, donc en Irlande. Mais en réalité, ce qui va se passer, et c'est là qu'il faut faire un bond, c'est que leur tentative de conquête va se diluer dans la mosaïque irlandaise. Ils vont en grande partie prendre une forme d'autonomie. On a créé un Lord Deputy of Ireland, donc Henri II Plantagenet a créé cela pour essayer de contrôler de manière déléguée l'île, mais en réalité, les potentats irlandais résistent, font venir d'ailleurs des supplétifs, des mercenaires écossais, qu'on va appeler les Galloglass, plus de 60 compagnies, qui vont organiser une espèce de société de marqueterie militaire, où anciens normands et gaëls, j'allais dire irlandais, échangent, s'allient parfois, s'allient même, j'allais dire, dynastiquement. Et à bien des égards, à la fin du XVe siècle, l'Irlande a à peu près échappé au contrôle de l'Angleterre, à l'exception d'une région qu'on appelle le Pale, autour de Dublin, qui est tenue effectivement par les Lord Deputy of Ireland, qui sont les comtes de Kildare. Mais ces comtes de Kildare ont pris beaucoup de champs, de liberté, notamment vis-à-vis des souverains anglais. Et lorsqu'Henri VII, le premier Tudor, donc arrive aux affaires, il faut essayer de rétablir un peu l'ordre dans cette île qui a totalement échappé à son contrôle. Ah oui, d'accord. Une première apparition des Anglais anglo-normands au XIIe siècle, ça ne dure pas bien. J'aime beaucoup l'idée du package normand avec ses modes castrales et forteresses. Non mais, il faut le dire, hein, Jean-François Dugnac, on ne peut pas imaginer ce monde-là comme on imagine le nôtre, avec des pays, des nationalités. On parle de l'Angleterre, de l'Écosse, de l'Irlande. On est dans un monde féodal. C'est une autre conception des choses. Mais quand vous nous dites qu'au XVe siècle, il commence à se passer quelque chose, XVe, XVIe siècle, et un nouveau regard qui est porté sur l'Irlande, pourquoi de nouveau on s'intéresse à ce territoire-là ? Eh bien, pour les Tudors, particulièrement Henri VII, la très grande liberté prise par les comtes de Kildare, qui sont Lord Deputy of Ireland, donc Lord Député d'Irlande, les a vus notamment s'acoquiner deux fois avec deux usurpateurs au trône. Et donc, finalement, l'Irlande, cette espèce de Far West, si je puis me permettre, où en gros, dès lors qu'on a des soucis sur l'île, en Angleterre ou en Écosse, on peut aller faire une seconde carrière et trouver son indépendance en Irlande. Et donc Henri VII, Tudor, va d'abord essayer administrativement de reprendre le contrôle. Il fait nommer un Lord Deputy anglais et en 1494, il passe une loi qui place le Parlement de Dublin sous la coupe à la fois du Lord Deputy et de son propre conseil privé. Donc ça, c'est une première chose, la loi de Poynings de 1494. Et surtout, donc, son successeur, Henri VIII, va tenter une reprise en main administrative en essayant d'obtenir un serment, j'allais dire, de fidélité des potentats irlandais. Une loi par laquelle ils étaient censés rétrocéder nominalement, officiellement, leur domaine et réobtenir ces domaines comme fief du souverain anglais. La mémoire, en fait, de ce premier échec au début du XVIe siècle vis-à-vis de l'Irlande va nourrir bien l'idée qu'il va falloir faire autre chose. Cette île est dangereuse quelque part, cette île est hors de contrôle, et dans cette île tout, j'allais dire, conquérant se dilue quelque part, les Normands s'y sont dilués, il va falloir faire quelque chose si l'on veut véritablement organiser la colonisation de l'île. Karine Bigan, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en études irlandaises à Aix-Marseille Université. Jean-François Dugnac vient de nous dire que l'Irlande posait des problèmes à l'Angleterre. C'est-à-dire qu'on est dans un tiraillement entre un désir, pas de conquête tellement, mais de se dire que cette terre-là, potentiellement, est un espace que l'on peut s'approprier ou aller faire la guerre ou faire une seconde carrière, comme l'a dit Jean-François Dugnac. Mais ça ne se passe pas bien, on peut le dire tout de suite, c'est pas une évidence que les Anglais colonisent ce territoire. Non, c'est pas du tout une évidence. Et ce qu'il y a aussi dans l'anglicisation du XVIe, c'est que un siècle auparavant, l'Angleterre a perdu ses territoires de Calais notamment. Donc il y a une perte des territoires sur le continent. Donc ça permet aussi de se reconcentrer sur l'Irlande. Et bien sûr, donc effectivement, Henri VIII a aussi toute la dimension quand il met en place la réforme. Il y a ce besoin qui devient plus important d'angliciser l'Irlande. Donc Jean-François a parlé de cette politique de où les seigneurs irlandais cèdent leurs terres et se les voient réattribuer avec un titre de propriété de la couronne. Donc c'est aussi une manière administrativement d'angliciser l'Irlande. Ça va aussi avec la division de l'île en comtés, donc sur le modèle anglais. Avec aussi des titres de comte, enfin tous les titres de noblesse qui vont avec, ce qui permet bien sûr de contrecarrer l'ordre gaélique qui est toujours en place, et notamment la législation des lois qu'on appelle Brehon, qui est un système totalement différent, qui avait jusque-là continué de coexister, donc à l'extérieur du Pale, dans les zones qui n'avaient pas été conquises. Et en 1541, l'Irlande devient un royaume. Donc n'est plus une seigneurie, mais devient un royaume. Donc on a un espèce de... Le maillage se resserre un peu sur l'Irlande. Et puis à partir des années 1550, on a une nouvelle façon de coloniser l'Irlande, qui est la plantation, c'est-à-dire la colonie de peuplement, où on essaye d'envoyer ou d'attirer des colons anglais d'abord, et puis ensuite anglais et écossais en Irlande. Et l'idée, c'est que on va donc ce qu'on a évoqué pour l'instant, c'est plutôt de la colonisation du haut vers le bas, Et là, on est plutôt de la colonisation du bas vers le haut, en implantant des populations considérées comme loyales, qui vont à la fois mettre en place un maillage de routes, de villes, enfin toute une infrastructure qui n'existait pas jusqu'alors, et puis aussi mener par l'exemple en implantant la langue anglaise bien sûr, mais aussi des méthodes agricoles qui ne sont pas les méthodes traditionnelles. Donc on est sur ce modèle-là qui fonctionne pas très bien non plus. Qui fonctionne pas bien non plus. Mais surtout ce que vous nous dites, Karine Bigand, et c'est vraiment très pertinent, c'est de voir que cette colonisation, c'est un processus. Ce n'est pas un débarquement d'armées qui arrivent de l'Angleterre et puis qui prennent le pouvoir. C'est un long processus avec beaucoup d'intérêts et évidemment des intérêts fonciers, économiques, parce qu'il y a toujours des questions d'argent dans ces histoires-là. Et on peut y rajouter peut-être une petite touche de religion avec Henri VIII. Henri VIII poursuit son chemin. Il se fait donner par le clergé et confirmer par le Parlement le titre de chef suprême de l'Église d'Angleterre. Il se fait donner aussi, par décision du Parlement encore, les dîmes attribuées jusqu'alors au pape. Puis, il s'attaque directement au bien de l'Église, il confisque les terres appartenant au monastère, les vend pour remplir ses coffres, à ceux de ses sujets qui veulent bien les acheter. Cependant, comme il éprouve le besoin de définir la nouvelle situation religieuse, il fait adopter par le Parlement, toujours docile, une série de textes, les fameux 6 articles, qui formule la doctrine de l'Église anglicane. H.G. Farmer, professeur à la Sorbonne, qui s'exprimait dans l'heure de culture française en 1954 avec ce rôle d'Henri VIII. Oh là là, tant d'intérêts qui se mêlent ici avec de votre analyse, Jean-François Dugnac, maître de conférence en histoire moderne à Sorbonne Université. Évidemment, cet aspect religieux, on le met souvent en avant avec Henri VIII. Hein. Henri VIII qui décide de rompre avec le pape et puis qui crée sa religion, on va dire l'anglicanisme. Ça joue, bien sûr, mais il y a beaucoup plus d'intérêt autre que simplement cette question religieuse pour comprendre son regard sur l'Irlande. Oui, absolument. Henri VIII, en un sens, est déjà l'héritier d'Henri VII, c'est-à-dire dans cette volonté de reprise en main, on va dire, administrative déjà de l'Irlande. Ça a été dit par Karine, au sortir de la guerre de Cent Ans et de la guerre des Deux Roses, en réalité, l'Angleterre est réduite à un morceau d'île, j'allais dire, avec simplement un pied-à-terre sur le continent. Et donc l'Irlande, finalement, l'attention peut à nouveau se porter vers l'Irlande, qui a servi très longtemps, je l'ai dit aussi, parfois de refuge pour tout ce qui pouvait constituer des oppositions. Et donc la politique religieuse d'Henri VIII, il faut l'entendre aussi comme une politique tout court, c'est-à-dire en fait, ça fait partie, cette fois-ci, du package henricien de choses à imposer. Et effectivement, la réforme henricienne, relève littéralement de cette politique. Il est vrai qu'à partir de là, au tout début des années 1540, ça va créer une nouvelle situation avec l'installation, en fait, d'une Church of Ireland, c'est-à-dire une église qui sera une église officielle. Donc distinct désormais de l'Église catholique, ça c'est une première chose, et induire également une forme de schisme à l'intérieur de la population irlandaise entre, bien sûr, les Irlandais irlandais, les Gaëls, mais surtout à l'intérieur de la population d'origine britannique et particulièrement les Anglais, ceux des Anglais qui étaient arrivés avant la Réforme et qui vont rester catholiques, qu'on va surnommer les Old English, et ceux qui, après la Réforme, vont arriver et d'abord henricien, puis protestant, qu'on va désigner comme New English. Et comme c'est pas assez simple encore, il va falloir, ou pas assez compliqué, plutôt, on verra quelques décennies plus tard, débarquer des Écossais presbytériens. Mais ça, c'est autre chose. Mais il est clair qu'on voit une marqueterie religieuse s'instaurer en Irlande. Et oui, parce qu'il faut aussi peut-être un prétexte pour intervenir. Karine Bigand, est-ce que la religion peut être un prétexte? Je vous le fais de manière très simple, dire bon ben Henri VIII au XVIe siècle met en place l'anglicanisme en Angleterre et ces Irlandais restent catholiques. Ah ben c'est pas possible. En fait, c'est pas du tout comme ça qu'on doit comprendre le regard porté par l'Angleterre sur l'Irlande. C'est peut-être possible dans un texte, mais sur le terrain, c'est pas possible. Bah oui. Parce qu'il n'y a pas l'infrastructure pour vérifier les conversions, etc., même si les messes peuvent être interdites, mais comme personne ne peut vérifier si elles ont lieu ou pas, en fait, il y a une grande différence, et c'est vraiment vrai pour l'Irlande enfin la relation entre l'Angleterre et l'Irlande, il y a toujours une grande différence entre la théorie et la pratique sur le terrain. Et pour moi, il me semble que la dimension religieuse s'accentue plutôt avec Élisabeth, parce que c'est elle qui fait vraiment de l'église anglicane une église protestante. L'église anglicane d'Henri VIII reste très proche du catholicisme, et puis c'est une église, un début. Et donc, sous le règne d'Élisabeth, on a vraiment cette dimension religieuse qui devient importante, mais aussi une dimension géopolitique avec l'Espagne, notamment. Donc c'est vraiment à partir du moment où elle est excommuniée par le pape, donc à la fin des années 1560, qu'en fait ça donne l'autorisation aux catholiques fidèles d'aller la contrer. Et donc on a l'armada espagnole dans les années 80-88 qui essaie d'aller se débarrasser d'Élisabeth. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, puisque l'Irlande est encore très, très, très, très largement catholique, l'Irlande peut servir de tremplin pour une attaque de l'Angleterre par l'Espagne. Et oui, cette fin du XVIe siècle, c'est la période des guerres de religion. On en parle beaucoup pour la France, mais partout dans le monde, en tout cas dans l'Europe, il y a des échos avec ces Espagnols et l'invincible armada de 1588. Il y avait une tempête, c'était dommage. Dites-nous, Jean-François Duniac, la religion ne peut pas expliquer la colonisation de l'Irlande. Ce n'est pas avec Élisabeth première, fin du XVIe siècle, enfin deuxième moitié du XVIe siècle, profondément marquée par l'anglicanisme qui devient de plus en plus proche du protestantisme. C'est pas ça qui lui fait dire « je dois contrôler l'Irlande parce que je ne veux plus ces catholiques ». Non, la preuve, c'est qu'en fait la première tentative de colonisation a lieu précisément sous Marie Tudor, Marie la Sanglante, entre guillemets, c'est-à-dire la catholique. On est à partir de 1556, on essaye effectivement, et ça c'est une première façon tout à fait caractéristique, on s'essaye à une colonisation, j'allais dire, d'État. Par la création de deux comtés, le comté de la reine et le comté du roi, qui sont juste à l'ouest, en fait, de la zone véritablement contrôlée par le monarque anglais, c'est à l'ouest du Pale, où on essaye donc d'implanter deux comtés qui sont véritablement une entreprise d'État contre deux clans, les O'More et les O'Connor, qui attaquaient régulièrement et qui pillaient le Pale, justement. Donc il y a vraiment une politique d'État. Et ça tourne à la capilotade, littéralement, entre 1556 et 1578. Près de 20 ans de résistance, les O'More notamment se réfugient sur les hauteurs ou dans les zones marécageuses et entament une guérilla qui se terminera d'ailleurs par un massacre. Et le coût exorbitant de cette tentative, déjà un peu limitée tout de même, de ces deux comtés, lancée donc, comme je le disais, sous Marie, montre qu'on ne va pas pouvoir se lancer dans une politique complètement d'État, qu'il va falloir s'appuyer, exactement comme on le fait au même moment avec les compagnies de commerce qui partent vers la Baltique, vers l'Afrique, etc. L'État, le petit État anglais, sous-doté, une petite population, très peu de moyens, va être obligé de s'appuyer sur les initiatives, on va dire, privées. Et ça donnera, dès les années 1560, d'autres tentatives où cette fois-ci on va s'appuyer sur d'authentiques compagnies ou des entrepreneurs qui, depuis l'Angleterre, le Pays de Galles et plus tard l'Écosse, vont tenter l'aventure de transplanter des milliers de Britanniques vers cette terre promise qui est censée être l'Irlande. Avec tout un travail foncier qui est fait et qui d'ailleurs explique l'évolution de la situation. Laissons la parole à un architecte, celui d'une plantation de l'Ulster. On est au tout début du XVIIe siècle. Il s'appelle Sir John Davis. Les terres des Irlandais en Ulster étaient la partie la plus rude et la moins réformée de l'Irlande, et le centre de la dernière grande rébellion. Elles sont aujourd'hui mieux organisées et mieux établies que n'importe laquelle des terres des autres provinces. L'organisation de ces terres s'est produite grâce à la providence de Dieu, qui a chassé les traîtres méchants et ingrats, les ennemis de la réforme en Irlande. Lorsque cette plantation aura pris racine, qu'elle aura été fixée et établie pendant quelques années, avec la faveur et la bénédiction de Dieu, alors elle assurera la paix de l'Irlande, la rattachera pour toujours à la couronne d'Angleterre, et enfin en fera un État prospère et florissant. À un essai de 1612 de Sir John Davis pour justifier l'emprise coloniale anglaise sur l'Irlande. Bonjour, Élodie Perrol-Kléber. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en civilisation nord-américaine à l'Université de Poitiers. C'est quoi ce système des plantations en Irlande ? Alors, j'avoue être plus spécialiste des plantations dans les colonies américaines, mais le principe des plantations est le même, c'est-à-dire que on ne veut pas juste exploiter commercialement le territoire, on veut y recréer des sociétés durables. Donc c'est pour ça qu'on a cette idée de planter. En anglais, on a le même terme, plantation. Et donc, c'est cette idée de planter durablement des sujets qui seront loyaux et qui pourront aussi, pour l'Irlande, on avait en tête des terres qui n'étaient pas bien exploitées, qui étaient laissées à l'abandon, et que ces planteurs venus d'Angleterre et d'Écosse pourraient exploiter de manière bénéfique et de manière bénéfique, bien entendu, pour le Royaume d'Angleterre. Avec ce parallèle à faire, hein, et vous l'avez fait naturellement, Élodie Perrol-Kléber, entre les plantations que nous associons souvent aux colonies lointaines, aux Antilles, etc., et puis ces plantations en Irlande, parce que c'est ce contexte-là qui nous intéresse. Nous sommes, en l'occurrence ici, au début du XVIIe siècle. Eh bien, ça y est, le monde s'est ouvert. Il y a ce processus de colonisation. Et ce qui se passe en Irlande, ça entre dans ce monde-là. Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut même parler de l'Irlande comme laboratoire des stratégies impériales de l'Angleterre, puisque on retrouve par exemple en Virginie de nombreux acteurs qui étaient impliqués dans la plantation, dans les plantations d'Ulster. Donc qui ont bénéficié en fait d'une prise en main coloniale, si on peut dire, de l'Irlande, qui fut transplantée dans les colonies, notamment antillaises, de la Barbade, Montserrat, qui était surnommée la Petite Irlande, et également les colonies continentales, principalement de la Virginie et du Maryland. Donc on a vraiment cette idée de faire ses armes en Irlande et transplanter ses stratégies coloniales dans les colonies nord-américaines et antillaises. Les premiers Irlandais du Nouveau Monde, une migration atlantique, 1618-1705. Élodie Perrol-Kléber, c'est votre étude avec ces migrations qui commencent en fait dès le début du XVIIe siècle. Donc il y a des plantations imposées par les Anglais en Irlande, mais ces Irlandais eux-mêmes partent et s'en vont dans le Nouveau Monde. Oui, tout à fait. Alors, certains s'en vont volontairement. Par exemple, notamment le Maryland est une colonie dont le propriétaire, Lord Baltimore, obtient une charte du monarque et il est catholique. Et donc, il établit une colonie, le Maryland, qui, en 1649, vote une loi de Act of Toleration, donc une loi de tolérance qui permet aux habitants de cette colonie d'exercer leur religion chrétienne, hein, bien entendu, mais qu'elle fût catholique, protestante, de manière discrète, mais autorisée. Karine Bigand, mais c'est incroyable, quand on imagine ces plantations, il y a bien des territoires, il y a bien des gens, alors je sais pas comment on peut qualifier la propriété foncière à ce moment-là, mais enfin bon, ces terres appartiennent bien à des gens, ou en tout cas il y a une domination dessus, ça pose des problèmes j'imagine. Moi je peux me concentrer sur la plantation d'Ulster au début du 17e, donc vous avez cité John Davis là. Donc évidemment c'est lui qui avait planifié tout le programme, donc il est assez fier de lui, mais sur le terrain ça se passe pas aussi clairement que ce qu'il peut dire dans sa citation. Donc en fait l'Ulster, la dernière province qui n'avait pas été colonisée, se retrouve vidée de son élite irlandaise à partir de 1607, puisque il y a une fuite des seigneurs locaux qui partent chercher de l'aide sur le continent pour pouvoir rétablir l'ordre gaélique. Donc les terres sont confisquées et redistribuées à des colons, à la fois anglais, à la fois écossais, mais aussi des Irlandais jugés méritants, et aussi d'anciens soldats ou des fonctionnaires pour services rendus. Et donc le plan est très très très précis, avec selon la taille des parcelles, des choses que les colons doivent faire, c'est-à-dire implanter des familles, construire des ouvrages défensifs, implanter aussi, enfin construire des villes. Donc c'est vraiment le début du maillage en Ulster qui deviendra par la suite l'Irlande du Nord, mais c'est aussi le début de cette coexistence en Ulster des trois communautés, donc les Irlandais qui sont restés catholiques, les Anglais qui sont anglicans et les Écossais qui sont presbytériens. Donc la mosaïque qu'on connaît aujourd'hui en Irlande du Nord date du début du XVIIe siècle. Et une partie, enfin un principe de la de cette colonie de peuplement était la ségrégation, c'est-à-dire qu'en théorie, les colons britanniques et écossais ne pouvaient pas avoir de tenanciers irlandais. Donc les tenanciers irlandais devaient aller sur d'autres terres, notamment celles qui étaient qui avaient été données aux soldats ou aux fonctionnaires, enfin pour les garder un peu sous contrôle. Mais ça n'a pas lieu parce qu'en fait il n'y a pas assez de colons britanniques qui arrivent. Donc dans un premier temps, les tenanciers irlandais restent sur place. Donc c'est vrai que cette colonie Ulster, on se pose toujours la question, est-ce que c'est un succès ou un échec? Dans les 20 premières années, ça semble être un échec parce que, quoi qu'en dise John Davis en 1612, on est très très loin de sa réalité à lui sur le terrain. Donc en fait, ça change pas beaucoup de choses, mais les choses s'enveniment quand même au fil des années. Il y a une forme de ressentiment qui s'installe parce qu'au fur et à mesure que les colons arrivent, s'installent sur les terres, sont capable de payer des loyers un peu plus chers, donc ça éloigne les tenanciers irlandais des terres les plus fertiles. Donc il y a ce ressentiment un peu économique, notamment, qui grandit. Avec un système vraiment très particulier. Jean-François Dugnac, on le sent bien. Ici, il y a ce système de la colonisation. En fait, on se dit toujours le nouveau monde, etc. Mais l'Irlande, c'est un processus à peu près similaire. Avec de la religion qui se mêle, hein, on n'arrête pas de les citer, ces anglicans, protestants, ces catholiques, irlandais, ces presbytériens. C'est qui les presbytériens ? Alors là, c'est une. Alors simplement pour revenir sur un point, effectivement, on considère à bien des égards que l'Irlande est la première colonie de l'Angleterre. Et effectivement, le laboratoire de ce qui sera plus tard la colonisation anglaise, puisque en dehors de l'Irlande, jusqu'à la fin du XVIe siècle, il n'y a pas d'Anglais, j'allais dire, dans l'Atlantique, enfin, à part sur quelques bateaux, mais la première fondation pérenne, la Virginie, c'est 1607 seulement. Donc on est vraiment, on est d'abord en Irlande avant de se projeter. Pour ce qui est des circulations, et particulièrement des presbytériens écossais, mais ça j'y reviendrai, c'est qu'effectivement, ces régions, notamment l'Ulster, a connu, mais depuis le néolithique en réalité, des circulations d'hommes entre l'Écosse et donc le nord de l'Irlande. J'ai évoqué les fameux Galloglass, hein, les mercenaires écossais. Pour ce qui est des presbytériens, donc c'est une inflexion qui est devenue majoritaire un temps en tout cas en Écosse, qui est une vision extrêmement décentralisée autour de synodes du protestantisme en Écosse, et qui a organisé une forme d'église nationale qu'on appelle la Kirk of Scotland, qui est l'église entre guillemets nationale écossaise. Donc beaucoup des Écossais qui vont quitter, notamment au moment où Jacques VI d'Écosse devient Jacques Ier d'Angleterre en 1603 et qu'il considère comme une entreprise britannique en fait de colonisation de l'Irlande, Jacques VI et I, comme l'on dit, va notamment pousser des entrepreneurs dans les Lowlands à demander aux Écossais des Lowlands de traverser la mer d'Irlande pour aller coloniser l'Ulster. Il y en a quand même 40 000 qui vont dans un premier temps partir dès le début des années 1600 et on est à plus de 100 000 au milieu du XVIIe siècle. Donc on a là vraiment une entreprise qui devient une forme d'entreprise britannique de colonisation de l'île d'Irlande. Ah oui, parce que c'est vraiment ça, entreprise britannique de colonisation, avec ici, Karine Bigan, juste par rapport aux contestations des Irlandais eux-mêmes, parce qu'on parle de ce processus-là, il y a des moments, et c'est certain qu'on va s'arrêter dessus, parce qu'il y a ces mouvements de soulèvement imposants, comme en 1641, mais auparavant, est-ce qu'on voit déjà apparaître des signes de protestation ? Très peu. parce que, enfin, entre le début de la plantation en Ulster et 1641, il y a très peu de protestations parce que, l'élite catholique, donc les vieux Anglais dont on parlait tout à l'heure, et puis le reste de l'élite gaélique qui n'est pas partie d'Irlande, finalement s'entend assez bien avec le roi, donc garde une relation privilégiée avec le roi. Il y a une forme de tolérance religieuse aussi, pour les raisons que j'ai expliquées, c'est qu'il n'y a pas les moyens non plus de vérifier sur le terrain. Et c'est vraiment à partir de la fin des années 1630, début des années 1640, que les choses se durcissent, mais pas vraiment en raison du roi, plutôt en raison de la montée du protestantisme et du puritanisme au Parlement anglais. Ce qui fait que les élites catholiques en Irlande se sentent menacées par cette montée et cette espèce de concurrence protestante au Parlement anglais et pensent que leur droit politique et leur droit foncier, enfin la propriété foncière, est remise en question. Et jusqu'alors, les nouveaux Anglais, y a aussi cette rivalité en Irlande avec les nouveaux Anglais dont parlait Jean-François tout à l'heure, c'est-à-dire que la nouvelle élite protestante, ça monte doucement, mais c'est vraiment en 1641 que les choses éclatent. Oui. Et puis avec, malgré tout, ce qui se passe à l'intérieur du pays, parce que le roi d'Angleterre n'est pas seulement à regarder du côté de l'Irlande, il a des soucis à gérer chez lui. Vous savez aussi bien que moi qu'en ce moment même, les insurgés écossais envahissent l'Angleterre et aucun Anglais n'a tiré l'épée pour combattre ces rebelles. Aussi, je vous demande d'enterrer nos querelles pour défendre à la fois notre Église et le royaume. Les Écossais envahissent l'Angleterre et tout le pays tremble et est sans cesse en alarme. Depuis un an et plus, nos colons en Irlande sont sauvagement massacrés, nos églises profanées, notre clergé persécuté. La couronne a montré une étrange hésitation à défendre notre église et notre royaume en Irlande, sire. Dieu m'en est témoin, j'ai plus de raison de prendre les armes contre Rome que contre les Écossais. Voudriez-vous me voir déclarer la guerre à toutes les nations catholiques du monde, monsieur Cromwell? Votre devoir divin est de défendre notre église en quelque lieu que ce soit. Vous nous parlez d'une chose qui peut nuire à la nation dans l'Europe entière. Votre majesté est-elle sûre qu'elle ne songe pas davantage aux intérêts de son entourage qu'à ceux du peuple d'Angleterre? Charles Ier et Cromwell dans le film Cromwell de Ken Hughes en 1970. Jean-François Dugnat, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que nous sommes au XVIIe siècle, il y a Cromwell, il y a Charles Ier. Quelles sont ces tensions qui apparaissent avec l'Irlande qui est évoquée ici dans ce film, parce que la question irlandaise préoccupe à Londres? Alors, c'est assez compliqué de résumer tout ça. On va dire au commencement était Charles Ier, donc un souverain qui monte sur le trône en 1625 et qui a, Charles Stuart, qui a un programme politique qui est celui de renforcer l'autorité monarchique. Et il le fait notamment sur deux plans, une autorité administrative qui va notamment s'illustrer en Irlande par l'envoi notamment de son principal conseiller, Thomas Wentworth, qui va se continuer la politique de colonisation en lançant un grand plan de colonisation des terres de l'Ouest, notamment d'éviction des populations catholiques de l'Ouest, le Connacht. Ça, c'est au début des années 1630, qui va une nouvelle fois échauffer les esprits du côté irlandais. Wentworth revient pour plonger et d'ailleurs être exécuté à la faveur des troubles politiques. Le deuxième volet, il est religieux. C'est cette volonté d'établir l'autorité religieuse de Charles sur ses royaumes et particulièrement sur l'Écosse, qui, comme je l'ai dit, donc relève d'une obédience, en tout cas d'une inflexion dans le protestantisme distincte. Et là, c'est son autre conseiller, c'est William Laud, cette fois-ci, qui tente d'imposer une forme de, on va dire, d'uniformité religieuse, de conformité religieuse, j'allais dire, à l'Écosse. Et l'Écosse, donc, se soulève et déclenche donc à partir de 1640-1641 ce qu'on va appeler la guerre des évêques, c'est-à-dire une authentique invasion du nord de l'Angleterre par des armées écossaises. Et c'est le sens de l'extrait qui a été donné. Et face à cette menace écossaise, l'armée anglaise étant incapable de gérer cela, eh bien Charles Ier, qui pendant 11 ans n'a pas réuni son Parlement, va être obligé de réunir le Parlement pour obtenir les moyens de résister contre les Écossais. Et là, ce Parlement qui se réunit après 11 ans est effectivement un Parlement d'opposition résolue à la politique de Charles Ier, la politique autoritaire de Charles Ier, avec même des inflexions en faveur même des Écossais. Une nouvelle fois, je renvoie à l'extrait. Et c'est cela qui va précipiter l'Angleterre dans ce qu'on appelle donc la guerre des trois royaumes, qui va mobiliser l'Angleterre, ou la guerre civile, qui va mobiliser l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Avec ici ce moment, Karine Bigan, du soulèvement des Irlandais en 1641. Alors est-ce que ces Irlandais profitent de ce chaos politique pour se soulever, c'est ça ? Alors c'est plus compliqué évidemment, c'est l'Irlande, c'est plus compliqué. En fait, il y a deux mouvements dans ce soulèvement de 1641. Là, le premier mouvement par l'élite catholique en Ulster et à Dublin. Le soulèvement, il y a deux complots concomitants en fait. Le soulèvement de Dublin échoue totalement et donc reste le soulèvement en Ulster où en fait c'est une espèce d'attaque préventive où l'élite catholique prend les châteaux, enfin se saisit des châteaux de l'élite protestante pour asseoir sa position et donc dénoncer, enfin en tout cas exprimer ses craintes envers une baisse éventuelle, enfin cette perte de cette érosion de des droits politiques, de la tolérance religieuse par rapport à ce qui se passe au Parlement anglais. Et donc on voit bien que c'est deux craintes mutuelles en fait. Le Parlement anglais et les Écossais ont peur des liens que le roi peut avoir avec l'Irlande catholique et en Irlande on a peur de la montée du puritanisme au Parlement anglais. Donc il y a ce premier mouvement qui est suivi par des soulèvements populaires où finalement il y a une espèce d'opportunité de la part pas de l'élite, mais vraiment des classes plus populaires irlandaises, d'attaquer les colons protestants, de les chasser de leurs terres, de les piller, de les voler, etc. Donc, on a cette rébellion à deux niveaux en Irlande qui... ce qui est intéressant sur cette rébellion, c'est la façon dont elle a été rapportée en Angleterre, dont on l'a racontée en Angleterre, avec vraiment, c'est un peu du reportage de guerre, mais avec le décalage d'arrivée des informations. Mais il y a vraiment une place qui est faite, une grande place qui est faite à la rumeur, au oui-dire, aux actes, aux atrocités rapportées. Alors, je suis pas en train de dire qu'il s'est rien passé, il n'y a pas eu de violence. Bien sûr qu'il y a eu des violences. Les historiens aujourd'hui estiment que la rébellion de 1641 a fait 12 000 victimes, 4 000 qui auraient été tuées et 8 000 qui sont mortes de froid, enfin, d'avoir été chassées et d'avoir dû prendre la route, puisque ça commence en octobre. Voilà. Donc, on est dans l'hiver. Mais dans la façon dont ce soulèvement a été représenté. On a des pamphlets, puisqu'on est dans cette guerre des trois royaumes, donc la propagande est importante. On a des pamphlets qui vont jusqu'à dire qu'il y a 160 000 morts, qui est quasiment le quadruple de la population protestante en Irlande à l'époque. Mais on est dans cette guerre des pamphlets qui, en fait, est assez éloignée de la réalité du terrain et qui justifie ensuite la reconquête, entre guillemets, de Cromwell, après l'exécution de Charles Ier. Oui, parce que c'est vraiment ça hein, qui nous intéresse ici, c'est ce que vous venez d'expliquer, l'exagération du côté des Anglais de ce qui s'est passé en Irlande avec le soulèvement catholique, et puis surtout la réponse qui est donnée à ce soulèvement. C'est sûr que notre héros ici, c'est Cromwell, à ce moment-là très précis, héros au sens de celui qui va agir, celui qui exécute, enfin qui fait exécuter le roi d'Angleterre, Charles Ier, qui arrive au pouvoir. Cromwell, quel personnage intéressant, surtout quand son portrait est dressé par l'histoire. Historien Roland Mounier. Son aspect ne plaidait pas en sa faveur. Un visage laid, gros et lourd, bouffi et rougeâtre, un aspect négligé, des habits de drap unis mal coupés, du linge grossier et pas très frais, des manières raides et gauches, la rapière toujours serrée contre la cuisse. Ses qualités oratoires étaient médiocres. Sa voix âpre et sans inflexion exprimait avec ferveur des idées intransigeantes qui apparaissaient alors déraisonnables. Du temps se passa avant que l'on fît attention à la flamme des yeux, aux lèvres serrées, à la double barre verticale entre les sourcils, à tout ce qu'il y avait dans ce visage de réflexion, de hardiesse et d'énergie. Roland Mounier en 1948 dans l'heure de culture française. Karine Bigan, vous nous l'avez dit, bien sûr, ce soulèvement provoque des morts, des victimes, estimées aujourd'hui par les historiens, les historiennes à 12 000. Quand Cromwell est à la tête de la répression, est-ce que c'est une chose terrible ? Oui. Alors, il n'est pas si longtemps que ça en Irlande. Il y a son gendre qui prend la suite. Donc, lui, il est là à peu près 6 mois. Mais il y a 2 massacres... Enfin, qui sont encore des plaies pas tout à fait cicatrisées en Irlande aujourd'hui. Donc, il y a Drogheda et Wexford. Et clairement, quand il raconte ce qui s'est passé, il lit ces événements à la rébellion de 1641, en disant que c'était une forme de représailles contre ces Irlandais qui ont les mains pleines de sang des colons protestants. Et c'est des choses qu'on a continué à voir assez récemment en Irlande du Nord, sur les fresques murales. On avait des représentations de Cromwell avec cette citation de « on a vengé les nôtres ». Voilà, donc Cromwell n'est pas le héros, n'est pas vraiment un héros en Irlande pour ces raisons-là. Mais encore une fois, après la reconquête de Cromwell et de Arrington, qui dure jusqu'en 1653, on a encore un plan de redistribuer les terres. Donc la propriété foncière est toujours là, en arrière-plan. Donc la colonisation continue. Et il y a ce plan de déplacer la population irlandaise vers le Connacht, donc vers la... Pour ceux qui sont fans de rugby, c'est la zone ouest, mais qui est vraiment très peu fertile. Et donc il y a cette fameuse citation « To hell or Connacht », donc soit vous allez en enfer, soit vous allez dans le Connacht, mais en fait ça n'a pas lieu non plus. Donc c'est un slogan qui est lancé à l'époque, mais qui ne se réalise pas finalement dans les années qui suivent. Ou alors aller en Amérique, Élodie Perrol-Kléber, parce que bien sûr, là, on vient d'entendre Karine Bigan qui nous disait que cette politique foncière de redistribution des terres, etc., se poursuivait après la répression par Cromwell. Nous comparons, bien sûr, les plantations, la colonisation en Irlande et ce qui se passe en Amérique. Il y a quand même une différence majeure, c'est l'esclavage. Il n'y a pas d'esclavage en Irlande. Malgré tout, il y a tout un système qui est très intéressant pour les Irlandais, qui ne peuvent pas être réduits en esclavage quand ils vont en Amérique, mais pour malgré tout les maintenir sur leur terre. Quel est-il ? Alors, il s'agit de l'engagement, j'imagine. Vous imaginez bien. Oui, donc l'engagement. Alors, je sais qu'on utilise le terme engagisme, mais il fait plutôt référence pour moi à ce système de travail non libre qui fut développé après l'abolition de l'esclavage. L'engagement, j'utilise ce terme puisque c'est ce qui figure dans les sources françaises notamment, puisqu'un système un peu similaire a été développé à la même période. Donc l'engagement était en fait un système de travail non libre qui engageait un individu et deux individus, en fait, un serviteur, un servant et un master, un maître, pour un laps de temps qui était déterminé notamment par rapport à aux compétences de l'engagé. Mais également par rapport à son âge, lorsque l'engagé arrivait sans contrat dans les colonies. Parce que vous avez fait allusion à l'esclavage, l'engagement n'était pas du tout une forme d'esclavage, puisqu'on sait que l'esclavage était un système qui asservissait un individu à vie. Et pour l'engagement, donc on avait une vitrine de la liberté avec cette idée de contrat qui se terminait, et ce n'était que le labeur de cette personne qui était engagée. Quel était l'intérêt pour les Irlandais d'ailleurs de signer un tel contrat ? Parce que bien sûr, il y avait quelque chose de séduisant derrière. Tout à fait. Donc le principe du contrat, c'était qu'on abandonnait sa liberté pendant un certain nombre d'années pour ensuite accéder à la propriété foncière. On y revient, puisque dans les colonies américaines, la terre était foison Et donc le principe était que on signait ce contrat et une fois qu'on terminait ce contrat, on avait possibilité d'accéder à la propriété foncière et donc à devenir planteur à son tour. Et on récupérait un lopin. Comment ça se passait cet engagement au sens où on est irlandais en Irlande, on subit la répression, on voit ce qui se passe et on se dit tiens, il y a quelque chose d'intéressant là-bas, c'est quelque chose que l'on entend, c'est dans la presse qu'on apprend qu'il y a des contrats de ce type-là qui existent. Alors, il y a de la propagande via des pamphlets, mais il y a également ce qu'on appelle le spiriting. Donc, c'est une forme de kidnapping, en fait, de l'époque, où des facteurs, pas au sens moderne du terme, mais des agents qui sont commandités par des marchands, des investisseurs, puisque vous imaginez bien que cette idée de s'appeler le head right system, donc cette idée de attribuer un lopin de terre à toute personne qui s'installerait dans les colonies, ce système a bien entendu aiguisé l'appétit d'investisseurs qui, pour obtenir de larges lopins de terre, avaient des facteurs qui battaient les campagnes irlandaises pour recruter souvent sous des excuses fallacieuses des individus, les stocker, si je puis dire, en attendant que la cargaison soit pleine et que le navire parte pour sa traversée transatlantique vers les colonies. Donc pour les Irlandais, alors moi j'ai travaillé beaucoup sur la Chesapeake, donc Virginie et Maryland, où les plantations de tabac requéraient un grand nombre de travailleurs. Mais la plupart des Irlandais furent envoyés à la Barbade et à Montserrat notamment, mais de manière très souvent involontaire, que ce fût sur le par exemple en après-coup de la rébellion où les rebelles politiques on devait se débarrasser de la population qui n'était pas une population productive ou qui allait dans le sens de la politique en Irlande, et donc l'Irlande était un peu le réservoir se transforma un peu en réservoir de population que l'on pouvait mettre au travail dans les colonies. J'imagine en plus que tout le chaos politique en Irlande après le soulèvement de 1641, la répression féroce de Cromwell, ça favorise aussi au départ pour ceux qui sont arrachés de leurs terres et qui ont envie de connaître un autre monde plein d'espoir. Parce que pendant ce temps-là, oui, il faut le rappeler, la répression continue et Cromwell justifie la colonisation de l'Irlande. Je suis persuadé qu'il s'agit d'un juste jugement de Dieu sur ces misérables barbares irlandais qui ont versé tant de sang innocent et que cela permettra d'empêcher des effusions de sang à l'avenir. Il y a donc un motif satisfaisant à cette guerre qui ne peut pas susciter ni de remords ni de regrets. En 1649, Cromwell s'adresse au speaker du Parlement à Londres. Dites-nous, Jean-François Duniac, alors bien sûr, il y a le temps Cromwell, et puis après, il y a le retour de quelque chose qui pourrait ressembler à l'ordre rétabli, la monarchie. Est-ce que pour les Irlandais, ça change quelque chose ? Alors donc la restauration. Ce qu'on voit ce qu'on entend dans le discours de Cromwell, juste, sont des échos aussi d'une forme de racialisation de l'irlandais. Ces populations gaéliques, rousses, on commence à créer des stéréotypes nationaux, le stéréotype national de l'irlandais, de surcroît sanguinaire, comme le montre, ça a été évoqué à l'occasion de la révolte de 1641, donc les prétendues exactions des catholiques irlandais contre les pauvres protestants. La restauration de 1662, en réalité, j'allais dire, crante quelque part un fait acquis. Avant 1641, les catholiques irlandais tiennent encore de l'ordre de la moitié des terres d'Irlande. Au sortir de la répression cromwellienne, on est à quelque chose comme de l'ordre de 9 à 10% seulement. Avec la restauration, Charles II, qui arrive au pouvoir, tempère un peu les choses et on remonte à 20% de possession catholique. C'est-à-dire que, notamment des parlementaires qui ont profité finalement de la guerre civile pour se saisir de terres irlandaises sont dépossédés. Certains refusent d'ailleurs de laisser les terres et vivent dans un état de fait, mais quand même beaucoup rétrocèdent les terres, libèrent les terres, ou sont même d'ailleurs saisies par les autorités royales. Et donc les terres sont en partie rétrocédées, mais on est déjà dans un ordre extrêmement minoritaire. Donc les choses, non, ne s'arrangent pas du tout. Le train, la tendance, une nouvelle fois, de circulation de part et d'autre de la mer d'Irlande, et particulièrement donc de la Grande-Bretagne vers l'Irlande, continue. On voit même arriver également des Huguenots français, des Hollandais, enfin une nouvelle fois, la marqueterie protestante en l'occurrence se diversifie encore au détriment des populations irlandaises. Et il y a un point aussi qu'il faut évoquer, parce que on approche de la fin du XVIIe siècle, c'est que notamment dans l'Ulster, les contrats qui avaient été signés par les entrepreneurs et par les fameux paysans expirent les uns après les autres à partir des années 1680, 1690 et 1700. Et pour le renouvellement des contrats, les véritables propriétaires imposent, y compris aux protestants, mais ce sont des protestants, attention, je l'ai dit, presbytériens, c'est-à-dire pas des protestants conformes. Ils sont techniquement réprouvés. On commence à vouloir leur imposer des augmentations, j'allais dire, de loyers absolument délirantes en réalité, puisque là, il y a un effet de rattrapage. Et de spéculation. Et ça va provoquer, dès la fin du XVIIe siècle, un autre mouvement qui va être un mouvement d'éviction de ces Scots-Irish, Ulster Scots, cette fois-ci vers l'Atlantique. Et ils seront, au moment, un siècle plus tard, au moment où éclate la Révolution américaine, près de 200 000 à avoir traversé, l'Atlantique, parce qu'ils sont eux-mêmes chassés, parce que certes protestants mais non conformes, ils sont chassés des terres d'Ulster. Avec ici ce long processus au cours du XVIIe siècle, Jean-François Duniac, vous avez parlé de racialisation et on comprend bien, hein, on l'entend dans les discours, c'est vrai que le roux catholique. Vous, Karine Bigand, vous parlez de construction identitaire dès le XVIIe siècle. Et c'est vraiment ça qui, en étudiant la colonisation par les Anglais de l'Irlande, nous permet de saisir comment se construit une identité. L'identité irlandaise, elle s'alimente de tout ce qu'on évoque depuis le début de l'émission. Elle s'alimente de ça, l'identité protestante en Irlande aussi, parce qu'il y a ce qu'on appelle une espèce de mentalité de siège, c'est-à-dire cette crainte de la minorité protestante de subir à nouveau des violences, des exactions de la part de la majorité. Et donc ce qui est fait à la fin du XVIIe avec la révolution dite glorieuse, mais qui a été un peu moins glorieuse en Irlande, puisque c'est là qu'ont eu lieu les derniers affrontements, les dernières batailles entre l'armée de Jacques II et l'armée de Guillaume III. Mais d'un point de vue législatif, il y a la mise en place de lois pénales qui en fait excluent donc à la fois les protestants dissidents non conformes, mais aussi les catholiques, de la vie publique. Donc ces gens-là n'ont plus le droit de siéger au Parlement, parce qu'il faut prêter serment au roi et les détails font qu'ils sont exclus de la vie politique. Ils sont aussi exclus de certaines professions comme avocat, par exemple. Donc l'élite catholique, mais aussi les presbytériens, voilà, se voient éloignés de cette vie publique pendant près d'un siècle. Les lois pénales sont, sont moins strictes à la fin du XVIIIe siècle. Et puis, donc en fait, la fin du XVIIe siècle, on a vraiment un renforcement, une assise définitive du protestantisme et le protestantisme anglican comme base de l'identité britannique, mais y compris comme base de l'identité protestante en Irlande. Et ça joue aussi, les nouvelles villes sont plutôt protestantes, donc au niveau du Parlement, il y a plus de sièges tenus par les protestants, ce genre de choses. Voilà. Nous avons commencé l'émission en évoquant les premiers Anglais, les Anglo-Normands arrivés en Irlande au XIIe siècle avec un Lord of Ireland. Et puis après, au XVIe siècle, le roi d'Angleterre se fait aussi appeler roi d'Irlande, se construit peu à peu ce Royaume-Uni, comme Jean-François Duniac, vous construisez un peu le Royaume-Uni à travers vos publications. C'est différent, que sais-je, histoire de la Grande-Bretagne, histoire de l'Écosse, nous nous rapprochons du Royaume-Uni avec l'histoire de l'Irlande. Le Royaume-Uni, quelle place pour l'Irlande ? Ah, c'est tout un enjeu, parce qu'effectivement, il y aura un ultime soubresaut à la toute fin du XVIIIe siècle, avec la grande révolte de 1797, les Irlandais unis, et comme il l'avait fait pour l'Écosse, finalement, le pouvoir britannique va décider d'arraisonner l'Irlande à l'ensemble du Royaume-Uni, donc désormais de Grande-Bretagne et d'Irlande, en 1800-1801, ce qui va avoir toute une série de conséquences. D'abord, le Parlement de Dublin, dont j'ai parlé, s'éteint. Il y aura désormais une représentation à Londres. Une partie des élites, d'ailleurs anglo-irlandaises, les anglo-irlandais qui aussi apportaient leur pierre à l'histoire politique, hein, ce sont des principaux ministres comme Shelburne ou Wellington, par exemple, qui sont anglo-irlandais, eh bien, vont quitter finalement en grande partie l'Irlande pour se rapprocher de la capitale, c'est-à-dire Londres. Et donc, on a affaire à une île qui devient littéralement, qui rentre sous la coupe littéralement du pouvoir central londonien. Mais c'est cette longue histoire qui nous intéresse avec, et on l'entend dans votre propos, à tous les trois, Jean-François Duniac, Élodie Perrol-Kléber et Karine Bigand, tant et tant d'écho avec ce qui se passe aujourd'hui. Il faut cette histoire-là pour comprendre l'Irlande d'aujourd'hui et surtout cette mémoire qui saigne encore un peu. Merci vivement à tous les trois. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment est né le droit du travail au Moyen-Âge ? Entre 60 et 80 000 individus vivaient à Paris en 1200. Un siècle plus tard, la ville en comptait près de 250 000. Cette progression spectaculaire s'explique par des raisons démographiques, mais aussi par le dynamisme économique de la cité. La présence régulière d'une clientèle de cour, de plus en plus nombreuse, fut l'une des causes essentielles du développement de nouveaux savoir-faire, de nouvelles productions et une diversification croissante des activités. Ce qui entraîna la formation d'un grand nombre de communautés de métiers qui jouèrent un grand rôle dans l'intégration des travailleurs qualifiés arrivés récemment à Paris. À cette époque, la mainmise du pouvoir royal sur le contrôle des activités économiques était loin d'être totale. Le roi n'était qu'un des seigneurs de la ville et il se heurtait souvent aux résistances des puissantes seigneuries ecclésiastiques qui défendaient avec force leur prérogative de dire le droit. En 1266, pour lutter contre ces formes de dissidence, Louis IX créa la fonction de prévôt avec rang de bailli et il fit de ce personnage le représentant du pouvoir royal. Les prévôts royaux eurent pour mission de consigner par écrit les règles coutumières. Le roi leur demanda également de fixer un cadre juridique pour réglementer la production et organiser les métiers à Paris. Cette réglementation, connue sous le nom de « Livre des métiers », fut compilée vers 1268 par Étienne Boileau, l'un des premiers prévôts de Paris. Mais l'examen minutieux des trois manuscrits qui ont été regroupés dans le texte attribué à Boileau a montré que l'entreprise fut poursuivie par ses successeurs jusqu'en 1328. 129 communautés de métiers furent ainsi identifiées et reçurent un statut légal. Le but que poursuivaient les prévôts était de promouvoir les activités régulières, celles qui étaient connues pour la qualité des biens produits et commercialisés. En s'appuyant largement sur le témoignage des gens de métier et sur leur consentement, le prévôt de Paris put ainsi renforcer l'institutionnalisation des communautés de métier et conforter leur rôle d'interlocuteur direct du pouvoir. La plupart des métiers pris en compte dans la réglementation établie par Boileau et ses successeurs concernent des activités artisanales et commerciales. Néanmoins, malgré le grand intérêt que présente cette source, elle n'est pas suffisante pour connaître avec précision le monde des travailleurs et des travailleuses qui vivaient à Paris au XIIIe siècle. Les spécialistes estiment que plus de 40% des activités échappaient encore à toute réglementation écrite. C'était le cas notamment pour un grand nombre de métiers du cuir et pour beaucoup d'autres activités de production très spécialisées telles que les nattiers, les savonniers, les plombiers, les fabricants d'instruments de musique, etc. Les activités qui faisaient partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les services, notamment les porteurs, les déchargeurs et autres charretiers, tout comme les lavandières et les barbiers, étaient également exclus à cette époque des communautés de métiers. Ce sont les sources fiscales qui nous renseignent le mieux sur ces milieux populaires. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec Laurence Millet. Et aujourd'hui à la technique, Mélodie Hesman. Merci à Bertrand Montandant, à France Bleu Provence et Fabien Paquet, à France Bleu Poitou. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Mathieu Copal, Jeanne Delecroix, Toscane Vudès, Jeanne Copet, Lily Cornaer et Maïwan Guizhou. Le cours de l'histoire à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.